number you have reached is not in service. Dans ta tête, tu te dis à vrai mental de ce qu'il dit. Mais qui t'a dit, mon petit, que j'allais changer pour ce pays? J'expédie sur le beat à colis tout frais au MC. J'dédie mon son frère grâce au MIC. J'suis pas ici pour faire l'apologie. Ma vie, si tu t'intéresses à celle-ci, fais gaffe, elle n'est pas docile. Ma survie ne dépend pas du rap. Freine rétrograde, les MC se mangent le virage. Ils sont fous, ils veulent tous aller plus vite que là. C'est qu'une fois là, oublie le vide, mais la chute est rapide. Chut, faut pas leur dire qu'on sera là à l'atterrissage. Pour récolter leur bif et mettre des claques. Au passage, mon tag dans leur face. J'ai craint le commercial sur terrain. Moi j'ai des tags, j'ai pas, je me pose à table. Hache à la main, je vais te hacher comme des refrains. Demande-moi pas un coup de main, j'ai que des coups de poing. Je m'inspire tout ce qu'aime dans la vie. J'expire tout ce mal qui m'envahit. J'exprime tout la rage sur le beat. J'opprime tout la jalousie et je te pite. Des kilomètres de phrases et de phrases. Mon 16 et ta pèse et ta graisse. J'en craigne la haine avec classe. Laisse place que j'en place une pour moi 73. Je m'inspire tout ce qu'aime dans la vie. J'expire tout ce mal qui m'envahit. J'exprime tout la rage sur le beat. J'opprime tout la jalousie et je te pite. Des kilomètres de phrases et de phrases. Mon 16 et ta pèse et ta graisse. J'en craigne la haine avec classe. Laisse place que j'en place une pour moi 73. J'prends le mic, on est rime, mais j'le bloque, et j'le bloque, et j'le bloque, et nouveau son sec. Avec les mille cas, cherche pas les dégâts. Tu trouveras, on t'ouvre à la tête sur ce beat. J'te plie, j'te prime, si on le règle de ta tête. Y'a pas ta pète, garde la paix, sois prête à la traque. Et je monte mes manches, viens voir le spectacle. Papa Pata, je mets des tacles, c'est pas pour avoir car les couches tard. Les bonnes heures se couchent pas aux mauvaises heures. Ici on s'en sort, même avec le mauvais sort. Du nord, du sud, à l'est, à l'ouest, c'est pas les mêmes zestes. J'insiste, la piste, je la suis. J'hésite, moi j'écoute, mon cœur la rue, c'est ma pelle sur son beat. Reste à l'écoute, tour et ma Sicile. Et mes gars, tous sont bien négats. L'héritage, tous sont bien négats. Toi-même, tu sais. Hey, renvoie le refrain. Je m'inspire tout ce qu'aime dans la vie. J'expire tout ce mal qui m'envahit. J'exprime tout la rage sur le beat. J'opprime tout la jalousie et je te pite. Des kilomètres de phrases et de phrases. Mon 16 et ta pèse et ta graisse. J'en craigne la haine avec classe. Laisse place que j'en place une pour moi 73. Je m'inspire tout ce qu'aime dans la vie. J'expire tout ce mal qui m'envahit. J'exprime tout la rage sur le beat. J'opprime tout la jalousie et je te pite. Des kilomètres de phrases et de phrases. Mon 16 et ta pèse et ta graisse. J'en craigne la haine avec classe. Laisse place que j'en place une pour moi 73. J'brasse même avec la S. J'engraisse, j'encaisse, j'rallume la presse. Et j'prends tout la vitesse. Il faut que les MC se taisent. Je ne ferme pas les parenthèses. J'envoie la crème anglaise. Ici le vrai encaisse, le vrai ne se taise.